Exercice 7, page 88. A. Vous êtes bien interprète? B. Vous êtes bien instituteur? C. Vous êtes bien informaticien? D. Viens un peu plus tôt. E. Reviens un autre jour. F. Tiens, un nouveau parfum.